Kanyangi. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bonsoir. Voici les grands titres de cette édition. La province Makamba est classée parmi les premières provinces en matière de fraude. Vous entendrez le président burundais en début de cette édition. Le lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega a besoin de 4 enseignants spécialisés pour accompagner les élèves vivant avec handicap. Le directeur de cette école s'exprime. En province Ngozi, on vous parlera de ce policier de la prison pour hommes d'Ngozi, surpris en possession de plus de 70 boules de chanvre. Et hors de nos frontières, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi remporte l'élection présidentielle avec plus de 89% des voix. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouimane. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Le président de la République du Burundi classe la province de Makamba parmi les premières provinces en matière de fraude, alors qu'il présentait ce lundi le nouveau gouverneur de cette province du sud du pays, frontalière avec la Tanzanie. Le numéro un burundais a dit connaître toutes les astuces de cette fraude. Il a en outre regretté que ceux qui ont été attrapés en flagrant délit ont par après corrompu les magistrats. Il persiste et signe lui-même et prendra ce dossier en main. Suivez le président burundais traduit en français par Jean de Dieu Irakoze. Abantu bagira fraude. Ayi Makamba iri mu ntara zaharugwa za mbere zigira fraude. Birababaje. Pour les fraudeurs, Makamba fait partie des premiers. C'est regrettable. Vous êtes là. Vous dites que vous êtes riche alors que vous êtes fraudeur, des voleurs. On ne peut pas dire qu'on est riche alors qu'on vole. Toutes les astuces de fraude, je les ai trouvées ici, puis loin à Mugina. Je vous demande de veiller, aidez-moi. Mais vous aussi, vous êtes utilisés. À Mugina, on prend un véhicule Probox près de la barrière. Je sais qu'ils ont des stocks à Magnovu. L'on prend 5 enfants, chacun amène 2 sachets, ils passent sans problème à la douane pour aller remplir la voiture Probox. Et notre y retourne. Voyez-vous, moi qui démasque ça en provenant de Gitega et Bujumbura, alors qu'un habitant de Makamba n'est pas au courant. Croyez-vous que je mens? 6 enfants chargent des Probox par jour. Vous entendez? C'est comme ça, vous dites être riche. Vous êtes des voleurs. Ce qui est regrettable encore, notre pays est chaque fois indexé de pauvres. Alors que c'est nous Burundais qui rendons malheureux le pays. Essayons de lutter contre la fraude. Maintenant, les fraudeurs corrompent les magistrats. Ici à Makamba, vous l'avez fait. Ce procès, je vais le suivre moi-même. Tous ceux qui ont été attrapés ont corrompu les magistrats. Moi, je vais être avocat et plaider. Je ne peux pas accepter que le pays s'appauvrit sous mes yeux, alors que je les vois. Je connais maintenant les fraudeurs. Je suis magistrat suprême. Vous savez que vous avez été attrapé en flagrant délit. Vous pouvez être acquitté, mais j'ai déjà noté que vous êtes voleur. Je courais après vous. C'est incompréhensif. Le président burundais Évariste Ndayishimiye, dont les propos ont été recueillis par Élisée Kwizera, notre correspondant en province Makamba. L'association Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités, PARSEM, salue la décision du gouvernement de réviser son budget. Dans un point de presse animé ce lundi, le directeur de la PARSEM a indiqué que le pays se trouve dans une situation économique difficile avec des dépenses non transparentes. Il estime que le pays a besoin d'une commission des experts de haut niveau pour analyser le budget actuel, mais aussi mettre en place une stratégie de mobilisation des financements extérieurs. Suivez. La mesure de révision, nous la saluons parce que depuis le début de l'exercice budgétaire, nous avons dit que la structure budgétaire, surtout au niveau de recettes, laissait résager des inquiétudes. Parce qu'un déficit de 700 milliards qu'il fallait financer, couplé à une attente de l'appui des bailleurs de fonds de 900 milliards, alors que si on analyse même le déblocage de ces appuis des bailleurs de fonds, ne s'est pas fait selon les attentes. Ce premier trimestre de l'exercice budgétaire, nous avions constaté à l'époque qu'il y avait 1600 milliards de recettes qui restaient encore hypothétiques. Le constat est qu'on a éliminé l'investissement, les dépenses liées à l'investissement, alors que la dette va toujours crescendo. Même ce premier trimestre, le gouvernement a contracté des dettes de plus de 210 milliards sur le rapport de la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, le constat est qu'il y a toujours des dépenses douteuses, non transparentes, dont même le rendement est difficile à apprécier, à analyser. Il faut revoir tout ça. La lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics n'a pas encore sa force et sa vigueur aujourd'hui. Cela cause toujours un tort à la bonne gestion du peu de ressources budgétaires dont dispose le pays. Personne propose qu'il y ait une commission ad hoc des experts de haut niveau pour voir réellement l'analyse du budget actuel et certaines dépenses qui ont été fixées par rapport à l'orientation des politiques publiques. Deuxièmement, la rigueur et la discipline dans la gestion. Le gouvernement doit savoir qu'il faut une stratégie de mobilisation des ressources extérieures. On ne pourra pas faire face à ces difficultés économiques, même si on mobilise autant que faire se peut les recettes fiscales. La transparence dans la préparation du budget 2024-2025. À 18h06 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page politique. Le parti CNL dénonce des activités des jeunes qu'il qualifie du CNDD-FDD qui ont fait des activités sportives ce dimanche au nord de la capitale économique Bujumbura tout en injuriant le président du parti CNL. Le secrétaire général de ce parti trouve que cela risque d'entacher la cohabitation entre partis politiques. Simon Wizimungu indique que de telles activités ont visé la permanence nationale de ce parti et demande que cela ne se reproduise plus. On l'écoute. Nous avons observé un comportement inhabituel. Lequel comportement a été manifesté par les jeunes du parti au pouvoir? Ils ont fait des courses à travers la capitale économique de Bujumbura. Et pendant ces courses, ils lançaient des injures à certaines personnalités, à l'occurrence, l'honorable Agathe Rwasa, le président du parti CNL. Après, ils sont allés à la permanence nationale du parti CNL, Suzanne Mutanga. Arrivés là-bas, ils ont rencontré les veilleurs qui les ont empêchés d'arriver et à la permanence. Ils se sont rassemblés tout plein de la permanence. Ils ont continué à chanter, à faire ces soi-disant activités sportives. Et permettez-moi de dire que ce ne sont pas des activités sportives. Plutôt, moi, je qualifie cela des activités politiques. Pourquoi cela? Vous constaterez que pendant ces activités, ils portent une forme de parti au pouvoir. S'ils ne portaient pas l'uniforme du parti au pouvoir, vous allez rencontrer avec les drapeaux du parti au pouvoir. Et là, il y a raison de dire que ce ne sont pas des activités sportives. Parce que le sport n'a rien à voir avec la politique. Quand vous portez des uniformes d'un parti quelconque, on vous qualifie d'être en activité politique. Ces jeunes-là, alors, disent qu'ils sont en activité sportive. Mais, franchement parlant, ce sont des activités politiques. Ce qu'on demande, c'est quoi? D'abord, à l'administration, nous demanderons d'être à la hauteur de tous les partis politiques, d'éviter la politique de dépoids des mesures, de traiter les partis politiques de la même façon. Et aux membres des partis politiques, nous demandons d'être tolérants, de se respecter mutuellement. Nous voulons un Burundi développé, nous voulons un Burundi paisible. Simon Wizimungu, secrétaire général du parti CNL, le président de la Ligue des jeunes, Imbonerakure, ne confirmait pas que les jeunes dont il est question sont du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Eric Nshimirimana indique que cela est difficile à identifier, mais que le ministère en charge des partis politiques peut s'exprimer sur la question, puisqu'il s'agit des mésententes qui peuvent pousser les partis politiques à défendre chacun son camp. S'agissant des jeunes qui sont en tenue du parti CNDD-FDD, le président de la Ligue, Imbonerakure, dit que de telles situations se présentent avec des gens portant les insignes d'un parti sans qu'ils soient membres de cette formation politique. Il admet cependant que si de telles activités sportives ont eu lieu avec des menaces à la fois, ce n'est pas à défendre et la personne lésée n'a qu'à identifier les agresseurs afin qu'ils soient traduits devant les instances habilitées, a-t-il martelé. Un policier locataire depuis ce dimanche du cachot de la police judiciaire d'Ongozi, il a été surpris en possession du chanvre qu'il voulait introduire dans la prison pour hommes d'Ongozi où il travaille. La police dit que son dossier est en cours de traitement afin de l'envoyer au tribunal. Le point avec Apollinaire Muzagara. Selon des informations émanant de cette prison pour hommes d'Ongozi, ce policier a été surpris avec 72 boules de chanvre qu'il voulait introduire dans cette prison. Celui qui était en possession des clés du portail principal, car il assurait la garde ce dimanche, comme le disent les mêmes sources d'information. Il a été arrêté malheureusement pour lui avant d'entrer dans cette prison. Son caporal de police chef s'apprêtait pour la retraite selon ses collègues. Il était même dans la prolongation. Son dossier est en cours de traitement à la police judiciaire d'Ongozi. Envie de connaître la provenance de son chanvre et d'autres informations. Il risque 5 ans de prison selon des juristes qui évoquent les articles 506 et 507 du Code pénal burundi. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Ngozi au nord du Burundi, rendons-nous en Provence Gitega, c'est au centre du pays pour parler éducation. Le lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega a besoin de 4 enseignants spécialisés en ce qui est de l'encadrement des élèves vivant avec handicap. Le directeur de cette école, Abbé Simon Nzigirabadia, qui le dit, explique que les enseignants qui prestent à cet établissement peinent à encadrer ces enfants. Cela étant, certains des élèves et de ceux-là qui vivent avec handicap, surtout dans leur propriété, souligne la vice-doyenne à ce lycée. Le point avec Évariste Nzikobanyang. Le lycée Notre-Dame de la Sagesse a été créé en 1958. Parmi les élèves qui étudient à cette école figurent ceux qui vivent avec le handicap. Ces derniers ont besoin des enseignants spécialisés, selon Abbé Simon Nzikirabadia, directeur de cet établissement. Comme école qui héberge des enfants qui vivent avec handicap, nous avons aussi des difficultés y afférentes. Et la première difficulté, c'est au niveau du personnel, parce que les enfants qui vivent avec un handicap ont besoin d'un personnel qui est qualifié en cette matière-là, mais aussi d'un personnel ayant des compétences particulières. Ce ne sont pas seulement les enseignants qui manquent à ce lycée, d'autres besoins manquent, selon toujours ce directeur. Il y a aussi des difficultés au niveau des infrastructures, parce que les enfants qui vivent avec un handicap demande qu'il y ait des infrastructures qui soient adéquates par rapport à chaque type d'handicap. Vous voyez que, par exemple, il y a des enfants et qui ont besoin des rampes d'accès parce que leur déplacement n'est pas aisé sur n'importe quel terrain. Au niveau des bâtiments, on a besoin, par exemple, des infrastructures sanitaires qui sont adaptées à l'handicap. Donc, tout ça, vous voyez que l'infrastructure dont nous disposons actuellement, même si bien sûr il y a une certaine évolution, il y a nécessité aussi de pouvoir continuer à l'adapter aux enfants handicapés. Au moment où les personnes vivant avec le handicap sont discriminées en famille, tel n'est pas le cas au lycée anciennement appelé CND. Les élèves et de leurs camarades vivant avec le handicap dans la propriété en témoignent Annie Prince Annie Wenchuti, vice-doyenne à cette école. Dans la vie quotidienne, ceux qui ne peuvent pas faire douche seuls, on les aide à faire douche pour les habiller. Et les autres, comme les malvoyants, on les aide à prendre les notes. Même ils lisent l'évangile à la messe, on les aide à prendre les notes, oui. Sur 409 élèves internes au lycée Notre-Dame de la Sagesse, 144 vivent avec le handicap. Parmi eux figurent 3 albinos, 35 aveugles, 13 vivant avec le handicap mental, 41 sourds muets et 52 vivant avec le handicap physique. Évariste Nzikobanyang a quelques brèves internationales avant de suivre la chronique sportive de ce lundi en Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sissi remporte l'élection présidentielle avec 89,6% des voix. Il a été réélu pour un troisième mandat et le chef de l'autorité électorale égyptienne a déclaré que la participation avait atteint un taux sans précédent de 66,8% des 67 7 millions d'électeurs égyptiens. Plus de 39 millions d'électeurs ont voté pour l'ancien chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi, qui dirige l'Égypte depuis 6 ans. Selon la constitution égyptienne, écrit la RFI, ce troisième mandat doit être le dernier. Et en Tanzanie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine a déclaré qu'à partir de 2024, les Tanzaniens ayant la nationalité d'autres pays bénéficieront d'un statut spécial pour participer au développement du pays. Dans une conférence de presse tenue le 17 décembre, il a déclaré que pour garantir cela, ils ont apporté des modifications à l'article de la loi sur l'immigration qui traite de la question du statut spécial lors de la prochaine législature. Radio Isanganiro, chronique sport. Place à la chronique sportive de ce lundi. 10 équipes participent chaque année dans le championnat national de football féminin, connu en anglais Limited Women's League, et chaque équipe dispute 18 matchs jusqu'à la fin du championnat. Youssouf Mossi, président de la commission chargée d'organiser les compétitions au sein de la Fédération burundaise de football et FFB, indique que le club champion représente le Burundi dans les compétitions de la phase préliminaire, regroupant 11 pays se trouvant au niveau de la zone de la CECAF. Les détails, c'est dans cette chronique sportive signée Jean-Marie Vianney Gendakoumane. Chaque année, 10 clubs participent dans le championnat national de football féminin baptisé en anglais Limited Women's League. Chaque équipe livre 18 matchs jusqu'à la fin du championnat, explique Youssouf Mossi, président de la commission en charge des compétitions au sein de la Fédération burundaise de football FOFB. Le championnat du football féminin, communément appelé Limited Women's League, a débuté par des matchs qui se sont passés au centre technique. Ce championnat va mettre aux prises au total 10 clubs. 10 clubs qui vont participer à ce championnat. Et chaque club aura à livrer autour de 18 matchs par championnat. Ça reste encore insuffisant, mais quand même, c'est déjà un pas. À la fin du championnat, selon le classement, ajoute toujours Youssouf Moss, 8 clubs sont maintenus en première division au moment où les deux derniers sont rétrogradés. Comment se préparer? C'est que le championnat se fera en aller et retour. Donc, c'est-à-dire, match aller, ça sera 9 matchs au total par club et au match retour, encore une fois, 9 matchs. Comment ça va se passer? C'est que les deux équipes qui seront classées dernières vont être rétrogradées en deuxième division. Et les 8 équipes vont rester en première division. Cette année-ci, nous avons 2 clubs qui sont montés en première division. Nous avons Étoile du Matin et Bon Avenir, qui ont été promus à partir de la deuxième division de l'année passée. Le club champion, précise-t-il, représente le Burundi dans les compétitions de la phase préliminaire des 11 pays membres du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale, CECAFA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le club qui aura totalisé le plus de points, donc c'est-à-dire le club champion, participera à la phase préliminaire au niveau de la zone de la CECAFA, qu'on appelle CECAFA Women's Champions League, qualifies, et ce tournoi est organisé et regroupe tous les pays de la zone CECAFA, donc c'est-à-dire les 11 pays plus un membre associé que Zanzibar. Alors, le vainqueur de ce tournoi représentera la zone CECAFA au niveau de la phase finale de la CAF Women Champions League. C'est comme ça que c'est préparé. Dans la prochaine chronique sportive, Youssouf Mossi, président de la commission en charge des compétitions au sein de la Fédération burundaise de football FOFB, nous parlera des défis qui sont déjà relevés dans l'organisation de ce genre de championnat et formulera les recommandations pouvant contribuer à la promotion du football féminin au Burundi. À 18h18 dans les studios de la radio Isanganiro, point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.